Le 22 décembre, à 16h48, avec votre maigre budget, vous achetez un tout petit appart. Mais il est très bien placé, tout en haut de la butte Montmartre. Ça faisait un peu journaliste, là.